Chapitre 10e. Trois jours après l'interrogatoire subi par Albert Savary, un homme d'une trentaine d'années, à la tournure assez dégagée, porteur d'un pince-nez à verre bleu, de plusieurs décorations étrangères et d'un genre respectable, sonnait à la porte de Madame Veuve Vidal. Marietta vint lui ouvrir. « Je voudrais parler à votre maîtresse, » dit l'inconnu. « Il n'est que 9 heures du matin. Madame ne reçoit pas encore, » fit observer Marietta. « Il s'agit d'affaires urgentes. Et qui êtes-vous? Votre maîtresse ne doit pas connaître mon nom. Dites-lui seulement que je suis la personne qu'elle a rencontrée dans le cabinet de monsieur le juge d'instruction. Oh, c'est différent, s'écria Marietta. Madame m'a parlé de monsieur et m'a dit de le faire entrer dès qu'il se présenterait. Elle ouvrit toute grande la porte qu'elle avait tenue jusque-là prudemment entrebâillée et précéda l'inconnu dans l'appartement. Mais au moment de l'introduire dans le salon, elle s'arrêta. Monsieur ne désire probablement être vu que de madame. « Autant que possible. C'est qu'il y a des personnes qui attendent dans le cabinet. Depuis la mort de monsieur, les avoués et les notaires ne sortent pas d'ici. J'attendrai dans cette salle à manger. Non, tout le monde vous verrait en sortant. Veuillez me suivre. » Elle traversa un petit corridor, ouvrit une porte et dit « Je vais prévenir madame de votre visite. Elle vous rejoindra dès qu'elle sera libre. » Vibert, chacun l'a déjà reconnu, lorsqu'il fut seul, regarda autour de lui. Il se trouvait dans un cabinet de toilette élégant. Un de ces ravissants réduits, bien clos, bien capitonnés, parfumés de 1000 essences, où il ne pénètre jamais qu'un jour discret. Les tapissiers de Paris ont seuls la spécialité de ces sortes d'oasis qu'on ne saurait retrouver en province ou à l'étranger. En général, l'existence du Parisien est tout extérieure. Il est reçu plus qu'il ne reçoit. Il ne se tient au salon que dans de rares circonstances. Il se lève, s'habille et court à ses affaires. Il rentre, s'habille de nouveau et court à ses plaisirs. De toutes les pièces de son appartement, son cabinet de toilette est celle qu'il fréquente le plus. Aussi prend-il plaisir à l'embellir. Sur cette longue table de marbre blanc resplendissent de magnifiques cuvettes en porcelaine, quelquefois en argent, des flacons de toutes sortes, des boîtes élégantes, des brosses en ivoire de toutes dimensions et pour tous les usages. Sur la cheminée, une pendule de Barbedienne, au mur un miroir de Venise, une statuette de Clodion et çà et là, répondu, un nécessaire de voyage de chez Ocock, une boîte à gants, un éventail, une cravate, une lorgnette, un porte-cigare en cuir de Russie, un livre entr'ouvert. Nous nous complaisons au milieu de cet étrange pêle-mêle, de cet élégant désordre. Là seulement, nous avons sous la main tous les objets auxquels nous sommes habitués, nous nous sentons chez nous, à notre aise, nous comprenons la fainéantise, le far niente, la joie de s'étaler en robe de chambre sur large divan et de se chauffer les pieds. Maurice Vidal, à l'époque où il était encore garçon, avait probablement goûté les jouissances que procure un cabinet de toilette bien compris, et en se mariant, il avait voulu les faire partager à sa femme. Il s'était plu à meubler lui-même cette pièce de son appartement et à la garnir de tous les 1000 riens qu'il avait pu rencontrer. C'était peut-être un boudoir et un musée plutôt qu'un cabinet de toilette, mais c'était charmant. Assis sur une grande chaise longue, son chapeau et sa canne entre ses jambes, Vibert, en attendant Madame Vidal, regardait de tous ses yeux. Cet homme sobre, presque austère, simple par tempérament et par raison d'économie, ne s'était jamais trouvé à pareille fête. En exerçant ses fonctions de secrétaire d'un commissariat de police, il avait été souvent appelé à visiter quelques riches appartements. Il s'était trouvé dans un salon étincelant de dorures, il avait foulé des tapis précieux, mais il n'avait jamais pénétré dans la vie intime d'une femme du monde et d'une jolie femme. C'était pour lui comme une révélation. Il avait les étonnements, les surprises, les ravissements de l'enfant qu'on met en présence d'un jouet nouveau, du collégien qui en est à son premier tête-à-tête, de la femme honnête que la curiosité entraîne au bal de l'opéra, du bourgeois introduit clandestinement dans les coulisses d'un théâtre. Quelquefois, il ne se contentait pas de regarder. Il se levait brusquement et s'emparait d'une des petites merveilles étalées autour de lui. Il l'examinait, il la soupesait, il la respirait, pour ainsi dire. On aurait pu le prendre pour un amoureux attendant sa maîtresse et s'enivrant de souvenirs et d'espérances. Et pendant qu'il se livrait à cet inventaire, si nouveau pour lui, 1000 senteurs montaient à son cerveau. Un sachet d'iris, un flacon débouché, un nécessaire en cuir de Russie, un éventail en bois de sandales lui envoyait leur parfum. Il perdait peu à peu la tête, ne se souvenait plus de ce qu'il était venu faire chez Julia, et se surprenait à se croire en bonne fortune. Lui, l'agent de police par vocation, l'hôtel de la préfecture, l'habitué de la rue de Jérusalem. La porte du cabinet de toilette s'ouvrit et Vibert fut rappelé au sentiment de ses devoirs. C'était Marietta qui venait le chercher pour le conduire auprès de Madame Vidal. « Monsieur, lui dit Julien dès qu'elle le vit, je regrette de vous avoir fait si longtemps attendre, mais je désirais être entièrement libre pour vous recevoir. Je suis maintenant tout à vous. » « Vous avez lu les journaux d'hier soir, madame ? » demanda Vibert sans autre préambule et après s'être assis. « Oui, répondit-elle, et j'ai appris par eux qu'Albert Savary était en liberté. En effet, monsieur le juge d'instruction s'est décidé à m'écouter. Une ordonnance de non-lieu a été rendue. Qu'espérez-vous maintenant ? Beaucoup, si vous m'aidez, moi ? Oui, vous, madame. « Eh bien, monsieur, dit énergiquement Julia, mon devoir, mon seul but dans la vie, ne sont-ils pas de remplir les dernières volontés de mon mari, de le venger ? On m'a dit de me fier à vous, je me fie à vous, et je vous appartiens corps et âme. » « Alors, madame, nous réussirons, s'écria joyeusement Vibert. Nous réussirons, ajouta-t-il en prenant les mains de Julia dans les siennes et en lui secouant avec force. Elle le laissa faire sans manifester aucun étonnement, aucune répulsion. Vibert n'était pour elle ni un homme ni un agent de police. C'était un complice, c'était un vengeur. Ils s'assirent en face l'un de l'autre et Vibert reprit. « Après 3 jours de réflexion, vous persistez à croire Albert Savary l'assassin de votre mari. Je persiste. Et vous ? Demanda-t-elle. « Moi aussi. Je dirais plus. Mes doutes sont presque devenus des certitudes, mais des certitudes purement morales. Et vous n'ignorez pas, il nous faut des preuves matérielles. Vous avez trouvé le moyen de vous les procurer ? Oui, mais j'ai besoin de votre concours. Il vous est acquis. Songez qu'il vous faudra déployer une bien grande énergie. J'en ai beaucoup. Une grande patience. J'en aurai. Vous devrez vaincre de légitimes répugnances. Je les vaincrai s'il le faut. Enfin, le plan que j'ai conçu vous paraîtra odieux, insensé, horrible. Vous le repousserez d'abord. Qu'importe si je l'adopte ensuite et s'il réussit. Écoutez alors. J'écoute. » Et pour ne pas perdre un mot de ce qu'allait dire Vibert, elle vint s'asseoir auprès de lui, sur le canapé qu'il occupait. On aurait dit 2 amoureux sur le point d'échanger de tendres confidences. « Il faut d'abord que vous sachiez, madame, » dit Vibert, après s'être un instant recueilli, « que je n'ai pas perdu de vue Albert Savary depuis sa sortie de prison. J'avais été, sur ma demande, prévenu de l'heure à laquelle il serait mis en liberté, et je l'attendais au greffe de la conciergerie. À peine sur le quai, il a pris une voiture, je l'ai suivi, et depuis 3 jours, aucune de ses démarches ne m'est inconnue. Pendant que je suis ici, un de mes hommes, habillé en commissionnaire, a établi domicile au coin de sa rue et surveille sa maison. Vous le voyez, il ne peut nous échapper. Mais, pendant que j'établissais cette active surveillance, je m'occupais de soins non moins importants, et qui doivent nous être d'une grande utilité. Je m'initiais à la vie passée d'Albert Savary. Je recueillais sur son compte tous les documents qu'il a imparfaitement donnés au juge d'instruction. Il en résulte, et pardonnez-moi madame, la crudité de certains détails que je suis obligé de vous donner. Il en résulte, dis-je, continua Vibert, que Savary n'a jamais eu, durant toute son existence de jeune homme, aucune liaison sérieuse, qu'il n'a jamais aimé aucune femme. Que nous importe ? Fit observer Julia. Beaucoup, madame, répliqua l'agent de police. Vous allez vous en convaincre, si vous voulez bien m'écouter. Continuez, monsieur. Savary, dis-je, n'a eu aucune liaison sérieuse. Il a dépensé sa vie comme beaucoup de jeunes gens de cette génération, à droite, à gauche, de ci, de là. Il a campé, il n'a jamais habité. Son imagination a souvent parlé, son cœur n'a jamais battu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre de vous, madame. Parfaitement, monsieur, fit Julia, étonnée des expressions relativement choisies de ce singulier agent de police, car elle ignorait certains détails de la vie de Vibert auxquels sa lettre au marquis de X nous a suffisamment initiés. Une seule femme, dont il a été parlé dans l'instruction, continua Vibert, a marqué un peu plus que les autres dans l'existence d'Albert Savary. C'est une ancienne femme mariée, une nommée Pélagie d'Hermont, qui est parfaitement connue de la police. Cette Pélagie, après avoir joui d'une grande célébrité galante, est depuis longtemps entièrement démodée. Mais elle n'a pas voulu renoncer au luxe auquel ses amants l'ont habituée, et elle a recours, pour le soutenir, à une industrie fort répandue parmi les femmes de sa classe, elle offre le thé. « Qu'entendez-vous par là ? » fit Julia, en interrompant Vibert. « Ah, c'est juste, madame, reprit-il. Vous ne pouvez pas être familiarisée avec toutes nos mœurs parisiennes. Une femme qui offre le thé convoque chez elle, une ou deux fois par semaine, quelques femmes de ses amies, qu'elle a soin de choisir parmi les plus jeunes et les plus jolies. Lorsque ses premières invitations sont faites, elle en adresse d'autres à tous les hommes de sa connaissance. « Vous rencontrerez Cora, » dit-elle à l'un. « Vous vous trouverez avec la belle Olympe. Venez donc, nous nous amuserons. Amenez vos amis. » Ainsi alléchés, les amis viennent et les amis des amis. On cause, on rit, on prend le thé, puis quelqu'une de ces dames propose un petit lansquenet. Oh, un lansquenet bien innocent. La première mise ne pourra pas dépasser 5 francs. « Venez vous asseoir à côté de moi, » dit Olympe à un tout jeune homme dont elle a déjà fait la conquête. « Venez, je vous porterai bonheur, vous gagnerez toute la nuit. » Le jeune homme s'assied, ses amis l'imitent, ils tirent un louis de leur poche et le perdent, ils en tirent un autre qui suit le premier. À 2 heures du matin, la première mise, qui ne devait pas dépasser 5 francs, est de 50 ou de 100 francs. Les billets de banque ont succédé au louis. À 5 heures, on ne voit plus sur les tables de jeu ni louis ni billets. Chacun crée qu'il perd et cependant tout l'argent a disparu. Pour le remplacer, on joue avec des fiches, des bons, des pavillons. À 11 heures du matin, harassé, brisé, on se quitte enfin. Il y a des pertes de 3, 5, 10 000 francs. Quant à la maîtresse de la maison, elle est allée se coucher vers les 5 heures du matin, après avoir eu soin d'étouffer dans ses vastes poches tous les louis et les billets autrefois en circulation, et qui servent à indemniser du thé si généreusement offert. « Je comprends, » dit Julia, qui avait écouté attentivement Vibert. « Mais, » continua celui-ci, parmi les hommes recrutés par la dame en question, « il y en a plusieurs qui sont plus intimes dans la maison. Ceux-là sont depuis longtemps familiarisés avec les usages en vigueur. Ils n'ignorent pas ce qu'il faut entendre par ces mots. La première mise sera de 5 francs. Ils savent qu'il est prudent de passer la main lorsque Cora fait banco, et qu'ils doivent se méfier des refaits d'Olympe. Ils savent aussi que l'heure est arrivée d'étouffer à leur tour, suivant leur veine, les louis ou les billets, et ils les étouffent. Aussi, sans avoir la plupart du temps commis aucune escroquerie proprement dite, ils perdent rarement, et ils ne manquent jamais aux invitations qu'à soin de leur adresser à la maîtresse de maison, car ils savent recruter des joueurs, animer une partie et faire monter le jeu. « Ces derniers détails vous expliquent suffisamment, madame, » ajouta Vibert, en finissant, « la nature des rapports que l'on dit exister entre Savary et la femme Pélagie d'Hermont. Vous l'avez compris, il s'agit entre eux d'une simple question d'intérêt. J'ai donc eu raison de vous le dire en commençant, Savary n'a jamais eu aucune liaison sérieuse, puisque la seule liaison qu'on serait tenté de lui supposer n'a jamais existé. « Mais qu'en concluez-vous ? Demanda un peu vivement Julia, impatientée de ne pas comprendre où voulait en venir l'agent de police. « J'en conclus, dit Vibert, que s'il n'a jamais aimé, il doit être, plus que tout autre, susceptible d'aimer. « Eh bien, qui voulez-vous qu'il aime ? Vous, madame. Moi. Oui, vous. Moi ? » répéta Julia, qui croyait avoir mal entendu. « C'est le seul moyen que nous ayons d'arriver à la vérité. Savary ne vous connaît pas. Il ne peut se méfier de vous. Vous entrerez dans sa vie. » Vous participerez à son existence, vous vous initierez à son passé, et tôt ou tard, vous le démasquerez. Avec un adversaire tel que le vôtre, continua Vibert, en regardant Julia qui n'était pas encore remise de son étonnement, les moyens ordinaires ne pouvaient réussir. Il fallait une chose imprévue, bizarre, extraordinaire. Je l'ai cherchée et je crois l'avoir trouvée. Vous serez la Dalila de ce nouveau Samson, vous lui couperez les cheveux, et il se livrera lui-même aux Philistins. « Mais ce projet est insensé !» s'écria Julia. « J'en conviens. Il est irréalisable. Oh, pour cela, avec votre concours, je me charge de le réaliser. Il me faudrait un courage surhumain. Vous l'aurez. Je me trahirai. Jamais. Si vous adoptez mon plan, vous n'aurez qu'une pensée, le faire réussir. C'est Savary qui se trahira, et votre mari sera vengé. » Et comme Julia, pâle, fiévreuse, agitée, ne répondait pas, Vibert se leva, prit son chapeau et sa canne déposée dans un coin et se dirigeant vers la porte, « Madame, je reviendrai vous voir demain à la même heure. Si vous m'annoncez, comme je l'espère, que vous adoptez mon plan, j'aurai l'honneur de vous le développer plus complètement. Mais, s'écria Julia, comme si elle voulait retenir l'agent de police. « À demain !» fit celui-ci en se retirant.